Bonsoir Pildar et bonsoir. Bonsoir à toi Rigo. Comment vas-tu depuis la semaine dernière? Moi je vais impec. C'est tout ce qu'on a là. Ça arrive la suite mon grand. Oh non mais on va pas commencer le premier débat avec trois auditeurs. Non mais j'en ai un autre, mais le temps de noter son nom et je te le donne. Ah bon On commence avec eux déjà. Bon alors donc premier débat. Désolé avec ce qui m'est arrivé, donc j'ai pas pu trop les recopier. Donc on va commencer sur le naturisme, c'était pas ça, donc c'est pas grave. Donc alors pour ça on va accueillir mademoiselle Watashat, c'est ça? Watashat. Mademoiselle Watashat, bonsoir. Bonsoir à toi, donc Fun Radio Paris, donc 101.9. Exact, bonsoir Gérard. Oui. Ah, c'est parce que j'ai mis quelqu'un en air en même temps et ça l'a coupé deux secondes, excuse-moi. Ah ouais, mais là, c'est pas bon. Bronze... Quoi que... Bronzette. Bronzette, 28 ans de Limoges, 104.7, bonsoir à toi. Bonsoir GG, Bronzette, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Et bonsoir. Petit string de Bastia, on écoute Fun Radio 96 FM, bonsoir à toi. Salut GG, tu vas bien? Ouais, ben... Gérard, oui, tu vas très bien. Et on accueille pour finir Kek est en feu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Tu appelles d'où? J'appelle de Bourges. Et tu as quel âge? J'ai à peu près 23 ans. Ok. Ok, ta fréquence Bourges 104.7. 104.7, ok, je te remercie. Alors, donc, premier débat, c'est sur le naturisme. Et normalement, c'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. Alors, quelle est la différence entre le naturisme et le... Excusez-moi, quelle est la différence entre le nudiste et le naturisme? On va demander à... qu'est-ce en feu, tiens. Bah oui, bah c'est deux mots différents en fait, mais c'est la même chose. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Non mais tu s'écrit pas pareil, oui. Voilà. Bah non mais tu peux préciser s'il te plaît. C'est-à-dire que naturisme, ça s'écrit N-A-T-U-R jusqu'à. Non mais quelle est la différence entre le nudisme et le naturisme? Bah oui, non mais je te demande pas comment que ça s'écrit, d'accord? Ouais. Alors en fait, le naturisme, c'est plus en milieu sauvage, et le nudisme, c'est les plages, tout ça, je pense. Hein. Mm-hmm. Voilà, à peu près. Ouais. Mm-hmm. Bonsoir. D'accord, petit string à toi. Ouais, moi je dirais que franchement, le naturisme, c'est une question de goût, quoi, en fait. Mm-hmm. Tandis que le nudisme, t'es un petit peu obligé quand t'es sur une plage, quoi. Mm-hmm. T'es sur une plage de nudisme, t'es un petit peu obligé d'être à poil, quoi. Ah, exact. Tandis que le naturisme, bon, t'es dans la nature et tout, les orties, tout ça, donc... Exact. Mm-hmm. Voilà, quoi. D'accord. Bronzezette, là. Ouais, bah écoute, une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est quand même la différence d'orthographe aussi. Ouais. J'ai quand même pensé à ça, entre les deux. Non, mais attends, je te parle pas d'orthographe, ouais, demande la différence, c'est tout. Ouais, bah il y a aussi, il faut savoir qu'il y a quand même une proportion dans la taille des sexes qu'il faut garder à l'esprit quand même. Mm-hmm. Quand même, je veux dire, on n'exhibe pas son chibre comme ça. Je veux dire, il y a des règles, c'est naturel. Non, mais s'il vous plaît, derrière, ça commence pas, d'accord, mademoiselle Watashat? Ok. Watashat, on commence pas comme ça, d'accord? Et donc faut savoir que naturisme, c'est tous les sexes de catégorie A, alors que nudisme, ça va jusqu'à la catégorie C, quoi. Exact. Ouais. Tout à fait. C'est une question de poids, quoi, tout à fait. Mademoiselle Watashat, là, comme elle a l'air d'arrêter, quand elle a retrait, de faire... Eh ben, maintenant, tu vas répondre. Okay. Et on va peut-être rigoler si ouais, on va se foutre un peu de toi aussi. On va bien se marrer, là. Ouais. Pas de problème. Alors, vas-y. Bah en fait, ça dépend pas seulement de la taille, ça dépend aussi de la grosseur. Ouais, t'as raison. Mais oui, c'est ça. Ça dépend de la taille, de l'âge et de la grosseur. Non, mais attends, bah tu prends les gens pour des cons? Non, pas du tout, c'est ce que les gens viennent de le dire. Non, il n'y a aucun auditeur. Non, personne n'a parlé de la taille et de la grosseur, d'accord? Ni de l'âge. Ben moi, je t'en parle. Ben peut-être. Alors, t'as regardé le reportage? Et toi? Ah, je te le demande, moi. Bah moi, je te le demande avant. Non, mais moi, je te le demande, c'est moi qui fais mes débats, d'accord? Oui, je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dessus? Je sais pas, dis-moi, c'est toi qui fais le débat. Ah non, mais... Vas-y. Ouais, d'accord. Alors vas-y, non mais comme tout à l'heure, tu t'amusais à faire tu voulais t'amuser à couper tous les auditeurs. Alors vas-y maintenant. Ah non, mais je veux couper personne, moi. Mais si, non, mais si. Mais alors, mais vas-y, vas-y. Hein, maintenant, vas-y. What the chat. Mais alors, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, what the chat. Vas-y, monte ta chat, vas-y. Allez. Fais la voir, allez. Allez, allez. Allez, monte-nous ta chat. Bon, allez, hop. Allez, hop, la chatte dehors, là, hop là. On reprend la vue de votre bar là. Ouais, je fais quoi ? Au revoir pour elle, parce que j'aime pas comprendre les gens pour des cons. Allez hop, terminé pour elle. Gérard ? Oui, j'en profite pour faire un petit point IRC, on est quand même 7852. Ouais. Ouais. Oh, ce qui est pas mal, pas mal, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et il y a Yankee qui te demande la différence entre le naturisme et la zoophilie, parce qu'il a pas très bien compris, je crois. Non, déjà, c'est pas la différence entre le naturisme et la zoophilie. Et la zoophilie, c'est le naturisme et le naturisme. Ah, ah, c'est pas pareil. Ah, oui. Faut pas confondre tentacule et encultasseur. Voilà. Non, pour celui qui est sur l'IRC. Et la zoophilie, c'est quoi alors? La zoophilie, je peux pas te dire si Manu tu peux peut-être m'aider Manu un petit peu. Ah non, je sais pas non, du tout. Non, pas moi, du tout. Bon, moi c'est pas grave. Je peux bien t'aider, moi, je veux bien t'aider. Ouais, alors vas-y. Toi qui es un gros pervers, explique-nous là. Ouais, vas-y, le gros pervers. Vas-y. Non, non, mais c'est pas la peine de regarder dans le truc au chef là. Donc, c'est quoi la question? C'est quoi? Qu'est-ce que je t'aide? Il répète pas. Quelle est la différence entre le nudiste et le naturisme? Et la zoophilie. Ouais, je veux bien t'aider. Ça. Ouais non mais attends, mais qu'est-ce qu'il va nous chercher lui? Bon allez, cherchez pas. Non, allez. Eh hey, Pilder, c'est pas la peine. De toute manière, je crois qu'on va pas trop aller là-dedans. Bon, le nudisme est seulement le fait de se déshabiller. C'est quoi ouais. Non, c'est les 7 jours. Ouais, parce que je vois des femmes à poil là. Non, je sais pas. Mais non. Dessus, c'est partout ou... C'est quoi? Bon, qui c'est qui commande ici? Bah c'est moi. C'est toi non, c'est pas toi pour l'instant, c'est moi. Ah, ça a l'air non, c'est Gérard qui commande. Ah, oui, d'accord. Gérard. C'est les débats de Gérard. Bon, ce qu'il y a, c'est... Manu, tu... Parle tu... dans ton téléphone, Gérard. Non, je parle pas dans mon téléphone, je parle dans mon micro, d'accord. Et Manu, tu commences pas à jouer comme ça, ok? J'ai rien fait, alors vas-y, Lee. Bon, alors, la différence entre le nudisme et le naturisme, c'est simple, c'est deux corps qui se déshabillent en matière de vivre en harmonie avec le nature caractéristique et pratique en commun. Donc, ça veut voilà. Dire quoi? Bon, j'ai en fin de compte, non, mais de toute manière, on va pas s'éterniser trop là-dessus, parce que déjà, j'ai même pas... Vous me donnez les listes des auditeurs. Fildar, il me manque une personne pour compléter le débat, donc apparemment... ça y est, tu l'as? On est quatre. Non, il me manque une personne. Bah non, on est parce que j'amène moi, je t'ai dit. Ah oui, elle arrive. Non, mais je t'ai dit au revoir à elle, donc tu me reprends quelqu'un d'autre à la place et tu me donnes le sondage, s'il te plaît, sur le débat. Donc je peux vous dire, en gros, il y a environ 5 millions de Français qui affirment avoir fait du naturisme. Hein. Donc, qui ont pratiqué le naturisme, plus de 11 millions d'entre eux seraient prêts à tenter l'expérience. Ah bon? Mais faut dire une chose que on va peut-être en venir. Attends, Gérard, tu serais prêt toi sur les 11 millions de Français, je crois, c'est ça que t'as dit, à tenter l'expérience toi? C'est... Qu'est-ce qu'ils mettent? 11... Oui, c'est pas grave, 11 millions d'entre eux seraient prêts à tenter l'expérience et l'occasion de se présenter à la France actuelle. Chaque année, plus de 1,5 million de personnes de naturisme, dont 52% d'étrangers. Elle est aussi le pays du monde le mieux à équiper pour... elle est aussi le pays du monde le mieux... Équipé pour le satisfaire. Voilà. Ouais. C'est pas la question que je te posais, moi, Gérard. C'était toi, est-ce que tu serais prêt à te balader à poil sur une plage? Non, personnellement, non, parce que... Et est-ce que la plage serait prête à accepter que tu te balades à poil sur elle? Mais toi, je te demande si toi, tu serais capable de le faire. Ah bah, il n'y a pas de problème, moi, je me fous à poil ici, tiens. Ouais, bah, je fais le débat naturiste à poil. Bon, je fais le débat naturiste à poil. Gérard, pendant que Manu se dit ça... Ça va Manu, tu remets tes saloperies, d'accord? Ok. Et t'arrêtes un peu tes conneries, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît. Ok. Arrête. Je me rhabille. Oh okay. Non, mais je commence pas comme ça, d'accord? Non, ça pue des pierres, ouais. Alors, t'arrêtes tes conneries, s'il te plaît. Rigo. Donc oui, Gérard, sur IRC, il y a Snooze qui voulait savoir quel était le premier naturiste sur Terre. Est-ce que c'était l'homme de Cro-Magnon? Non, parce que le... pour dire une chose, que le naturisme a été créé en 1929, donc ça fait à peu près 50 ans que le naturisme existe. Et avant, il faisait comment? Avant, je ne sais pas. Mais ça a été créé en 1929. Avant, on avait pas le droit d'être à poil, alors. Mais merci, Pildar. Je te demande. Non, non, mais d'accord. Non, mais d'accord, tu me demandes une question, mais moi, je te dis merci. De rien. Merci pour m'avoir enregistré le reportage, parce que grâce à Max, on avait dit d'enregistrer le reportage pour que je puisse le voir mercredi. Et grâce à toi, je ne l'ai pas revu. Merci, Pildar. Bravo, Phil. De rien, donc, merci. Bravo. Merci à voilà, tous. Donc, merci à tous. Alors, Gérard, avant, ils n'avaient pas le droit de se mettre à poil? Je ne sais pas. Bon, donc... À la place de Mademoiselle Watochat, on a... Je te préviens, c'est pas... J'espère que tu vas pas me refaire comme tu as l'habitude de faire, de virer la personne pour me la prendre sous un autre nom. Non, on peut faire le débat ou pas? Oui, alors merci. Vas-y. Donc, on accueille Mademoiselle Pétoncule, ouais, qui habite à Draguignan. Ouais, bah, tu marqueras ça comme il faut. Tu marques sur ta feuille. Ouais, vas-y. T'as eu deux bras. Comment ça s'écrit? T'es au cul. Alors, Pétoncule. Mademoiselle Pétoncule. Comme bonsoir, ça se prononce. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir à tous. Salut. Ça va bien. Ta fréquence, s'il te plaît. C'est le 118.1. 118.1. T'appelles d'où? De Draguignan. Draguignan, d'accord. Tu veux peut-être répondre à la première question? Peux-tu me la répéter, s'il te plaît? Oh non, Fildar, s'il te plaît. Bah ouais, non, c'était... quelle est la différence entre le naturisme et le nudisme? Alors, le naturisme, c'est plus un mode de vie. Là, par exemple, je suis nue chez moi, j'évolue nue chez moi. Ça doit être beau, ça. C'est comme sur la plage. Oh, s'il vous plaît, les autres auditeurs, vous laissez répondre les gens, s'il vous plaît. Merci. Donc, on t'écoute. Ça y est. Ouais, d'accord. Bon, on passe à la deuxième. Ouais. Qui pratique le naturisme? Moi. Moi. Pas moi. Bon, s'il vous plaît, vous arrêtez. Je me balade à poil. Bon. Fildar, je te préviens, la semaine dernière, tu as voulu jouer au con. On a mis les points sur les i, les barres sur les t. Donc cette semaine, tu vas pas recommencer. Soit que tu calmes le premier qui déconne, ou soit que c'est toi qui dérouille. Ouais. Gérard, donc regarde-le, il est là-bas, là-bas. Tu choisis, Pildar, s'il te plaît. Tu choisis quoi? De bosser correctement ou de foutre ta merde? Dur choix. Bah, je sais pas, je demande une augmentation et je reviens la semaine prochaine. Non, alors dans ces cas-là... Bravo. Bon... Ben, dans ces cas-là, Manu et Pildar, donc comme vous êtes tous les deux cul et chemise, c'est pas la peine que je vous le demande. Donc les auditeurs, si vous voulez plaît, vous la fermez quand je parle à mon équipe. Okay. Ah, bon, d'accord. On t'écoute, on t'envoie. Alors qui pratique le naturisme? On va demander à Pétoncule. Pétoncule. Mademoiselle Pétoncule. Ouais, ben, mademoiselle, j'en ai rien à foutre des mademoiselles, elle, d'accord? Il en chie tous les matins. Oh! On se calme, merci! Eh bien, tout le monde pratique le naturisme, Gérard. Ouais, tu peux préciser? Eh bien, les banquiers, les infirmières... Ah ouais, les dentiers. De quoi? Attends, j'ai mal entendu ta première version. Les banquiers. Ah, les banquiers, tu crois que les banquiers pratiquent le naturisme? Bien sûr. Ah ouais? Ouais, bah, vous pouvez me dire où et quand et comment? Sur la plage. Ah ouais? À Trouville. Ouais, à Trouville. Bien sûr, qui montent leur piquette. 19 à 18h. Ouais, c'est ça. Après? Ben, je t'ai dit, les infirmières, les enfants, les vieillards, les routiers. Le débat sur les routiers, c'est pas... Merci Manu de... Bah oui, mais c'est toi qui hurle comme un putain. Non, c'est pas moi, c'est toi. Si. Ouais, t'as raison. On a reconnu ta voix. Toi, si t'es pas content, tu dégages, d'accord? Kéké t'en feu, au revoir. Allez, hop. Terminé pour toi. Au revoir. Hop. Ça y est, je l'ai viré. C'était lui. Au revoir. C'est pas la peine. Fildar. Un conseil que je te donne. Je ne les remets pas sous le même nom. Ouais, non. Merci. Mais tu me prends d'autres personnes au standard. Oui, parce c'est que d'autres personnes. Ça commence à bien faire toutes les semaines. On peut avancer dans le débat, mon grand? Je fais ce que je veux, d'accord? Donc, on va quand même essayer de demander à Bonzette maintenant de nous dire à peu près ce qu'elle pense. Ben non, déjà c'est il parce que c'est un garçon. Ouais, ben ce que tu penses. Et c'est Bronzette. Donc, moi je pense que tout le monde fait du naturisme. Mmh. À partir du moment où il y a un quelconque concept de douche. Mmh. Je pense qu'il y a dénudation. Ah mais Gérard il connaît pas. Ouais non je sais que c'est assez difficile. Bon celui qui parle derrière vous arrêtez s'il vous plaît merci. Non c'est vrai qu'il faut pas m'interrompre mais c'est vrai qu'il a raison quelque part. C'est vrai que t'as du mal à conceptualiser tout ça quoi. Donc a priori moi je dirais tout le monde hein, tout le monde à un moment ou un autre on passe par le stade de naturiser quoi. C'est vrai. Tu vois si Gérard, justement, excuse-moi, à ce propos, il y a Davy One sur l'IRC, il dit que tu ferais mieux de devenir naturiste, Gérard, parce qu'à force de te doucher habillé, ça commence à puer. Bon, alors lui, Davy One, tu commences à me casser les cacahuètes sur l'IRC, alors j'en ai rien à foutre de toi. Ok, en de bon entendeur, salut. Ta conclusion du Thébo. Oh, Pilda, tu m'éteins ton micro, s'il te plaît. Mais je l'ai éteint, mon micro. Non, mais tu parles moins fort, on entend tout. Mais c'est de la faute du micro. Non. C'est pas toujours de la faute à Rigo. Bon, on peut reprendre le débat, s'il vous plaît. Alors, Davy One, c'est pas la peine de continuer à poser tes questions, parce que je vais pas y répondre, parce que la peine des conclusions, ça va être ton débat, ni que ni tête, donc... ok, terminé pour toi. En de bon entendeur, salut pour Davy One. Petit string, ouais, donc moi je te dirais aussi qu'en fait, de naturisme, tout le monde l'a un petit peu, quoi. Mm-hmm. Parce que quand tu rentres chez toi, fâchez pas toi, mais moi, quand je suis chez moi, je me balade à poil. Ouais, mais ça dépend, parce que faudrait pas droit avoir l'abus sur... Sur quoi? Sur l'horreur, ouais. La cour. Bah si, attends, chez moi j'ai plein de... Attends, petit string, 5 minutes. Ouais, 5 minutes, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce qui se passe? Des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'après le chef, l'audimat monte. Donc, ouais, Pildar. On y va. Donc, à la place de Kékette en feu, on accueille Monsieur Cadeau. Bonsoir, Monsieur Cadeau. Allô? Monsieur Cadeau, bonsoir. Bonjour, les hommes. Monsieur Cadeau. Bonjour. Monsieur Cadeau, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Pau. La fréquence? 105.9. Ok, merci. J'espère que vous avez entendu la question. Oui. Oui, tout à fait. Ok. Donc, le seul problème, c'est que je suis un petit peu sourd de l'oreille droite. Oh. Et vu que j'ai le combiné dans l'oreille droite, je n'ai pas pu trop l'entendre. T'es pas sourd de, pour l'instant, de laisser finir l'auditeur qui parle, pour l'instant. Pardonne-moi. Bon, merci. Donc, petit string. Ouais, voilà. Donc, ouais, moi, je te disais que, en fait, quand j'étais chez moi, je me baladais à poil, quoi. Mm-hmm. Ouais, mais justement, petit string. Petit string. Mais tu peux le laisser finir, Gérard. Ouais, mais attends. Non, mais petit string, la question que je voulais te poser. Ouais, vas-y. Que, justement, parce que là, comme on a été coupé, je t'avais demandé 5 minutes d'inter. Ouais. D'arrêter. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui te voient ou pas? Ah, bah, ouais, bien sûr. Ah, okay. C'est le but, Gérard. Ah ouais, je fais ça exprès. Comment Qui c'est qui parle là? Mademoiselle Pétoncule. Ah, ça l'intéresse. Ouais. Non, mais c'est le but d'être vu. Ah ouais, exactement. Non, mais de toute manière, Attends, c'est de l'expressionnisme, ça c'est interdit. Non, mais ça, il n'y a pas d'expressionniste ou pas. Voilà, mais... Attends, c'est fini par la loi quand même. Tu viendras me mater. Hein. Comment là? J'ai mal entendu là, qui dit un mot là? Comme ça tu viendras me mater, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, monsieur Cadeau, donc pour vous. Non, monsieur Cadeau est là, monsieur Cadeau n'a rien dit. Bah justement, je te pose la question. Ah, pardonne-moi. Ah non, mais il y a... je suis sur l'oreille droite, je suis désolé. Pildar. Oui, faut savoir. Tu choisis pas les sourds. Non mais attends, c'est quoi là? Tu me dis, le mec, il est sort d'oreille droite. Oui. Et il comprend pas la question, ça veut dire quoi là? Je vais pas m'amuser à la répéter 50 non, fois. Je dis lui de changer d'oreille. Voilà, sinon parle sur l'enceinte de gauche. Non, mais dans ces cas-là, s'il veut pas répondre au débat, il s'en va, c'est tout. Non, c'est bon, j'ai changé d'oreille, je t'écoute attentivement. Bon alors? Oui. Oh là là, lui il a pris. Oh non, je viens de changer d'oreille. Mais non, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Non, alors, non, je ne te prends pas bonne pour nuit. Je suis pas sûr. Bonne, Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est fait. Voilà. Dans ces cas-là, ils pourront écrire à l'examen. Bon, c'est tout. Alors, on va faire un petit sondage. Ah. Avec, oui, non, j'avais une ou Manu, deux, oui. Une ou deux questions Minitel. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, ouais, j'aimerais bien qu'ils répondent d'ailleurs. On me demande si quand on tourne des films porno, c'est considéré comme, comme du nudisme. Ah. Pardon. Sur l'IRC, c'est pareil, je pense. Non, je te dirai après. Oui. Donc voilà, il répond déjà à celle-là. Donc, des questions, la question c'est... Est-ce c'est que... quand t'es acteur de films porno, ouais. Est-ce que c'est considéré comme, comme du nudisme? Non. C'est non, quoi, parce c'est quoi que, alors? Parce que pourtant t'es à poil. Oui, mais c'est... D'accord, c'est des scènes qui sont tournées X, donc ça veut dire des films porno. Donc X ne veut pas dire naturisme. Ok. D'accord. Ah, c'est pas... Non, mais... Non, et... c'est pas... Non, justement, c'est pas parce que... le truc de, de naturiste, hein, c'est des gens qui sont nus, que dans les scènes porno, c'est différent. Parce que dans les scènes porno, c'est pas du tout pareil. Parce que là, tu vois l'action qui est... Hein, d'accord. Tu m'as compris. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Okay. Et d'autre part, juste une petite avant, on me disait, est-ce qu'on peut faire du nudisme en slip? Oui, c'est autorisé. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bon, pourquoi? Parce que la personne a la personne a peur de faire voir ses parties personnelles. Donc automatiquement, ça peut être peut être autorisé. Ok, d'accord. Okay. Merci Gérard, bravo. Voilà. Manu, s'il te plaît. Oui. Il y a moyen de. Tu veux que je te cale ton pied de micro, c'est ça, j'arrive. Non, mais bouge pas, ma petite louloute. Non, mais d'essayer de voir si. Il va s'en occuper, Gérard. Et pendant ce temps-là, je vais te poser une question de ton pote Christian sur l'IRC. Il voulait savoir si par hasard on a une testicule dans la nuque et qu'on l'exhibe sur la plage, est-ce qu'on est considéré comme naturiste? Non, ça ni queue ni tête comme question, donc je ne répondais pas. Mm-hmm. Une autre question, non? Très bien. Non, mais... Ouais, ouais, vas-y, Fildar, je t'en prie. Fait chaud, vous trouvez pas? Ah oh, si, c'est une horreur. Pouh. Mais ce n'est pas une question, ça. On peut avoir un peu de ventilation, là. T'as compris la technique, Alan, là? T'as une question, Alan? T'as une question? On peut mettre un peu de clim? Non, mais moi, si on travaille sans clim, c'est pas la peine. Ça va jamais sécher, sinon. Non, mais même, c'est pas ça, je... Oh, de la clim. Gérard, bah, laisse-moi, s'il te plaît, le débat. Le sondage, t'allais faire un sondage. Non, on verra après. Non, Fildar, tu voulais intervenir? Question. Non, je voulais question, dire... Une question, à la place de Monsieur Cadeau. Non, j'ai pas encore trouvé quelqu'un, ça va venir. Je cherche sur les 24 lignes. Sinon, au standard, ils sont tous contents. Et tout se passe bien au niveau de la réa aussi, ils sont tous contents. Non, enfin, mais moi, je suis tout seul, donc je suis content. Non mais moi je voudrais un peu plus de clim, un peu de clim. Donc alors le sondage avant qu'on pose la troisième question. Donc avez-vous déjà fait du naturisme? Donc 48% des gens répondent oui avec moi, donc je vois pas du tout le rapport. 27% répondent que oui mais pas bien car... Ouais, il avait des hémorroïdes, en principe non. Puis 9% sont à l'NPE en attendant leur tour, ça. C'est n'importe quoi encore ça. Non, mais ça faut pas mettre ça toujours sur le dos de Rigaud. Parce que Rigaud, il est là que le jeudi, c'est pas lui qui sort ça. C'est vrai, il branle rien de toute façon. Non, mais c'est pas Rigaud qui sort des sondages comme ça, c'est plutôt vous les deux gugus. D'accord. Qu'est-ce qu'un centre de naturisme? On va demander à Bronzette, à moins qu'on ait une petite question IRC, un petit point vite fait sur l'IRC. Alors un petit point, on est quand même 8777, ce qui est énorme. Et alors attends, j'arrive pas à lire tellement ça va vite, je vais en prendre une au hasard. Il y a Gollum qui te demande si le port du coton-tige à la crème empêche le naturisme. Ça, je réponds pas là-dessus, donc c'est même pas la peine. Il y en a pas d'autres, il y a rien d'autre. On parle de ta copine et de Willy Cat, sauver Willy Cat. Donc, Ah, moi aussi, sur Minitel. Rodave 666, non? Ouais. Non, mais ça, c'est pas... Donc c'est bon, c'est même pas la peine. Gentil, hein. Donc alors... ouais ben Bronzette, donc bah écoute les centres de nudisme en fait ou de naturisme. Je pense que non mais qu'est-ce qu'un centre de naturisme? Attention, je fais gaffe. Écoute, c'est quand même un endroit où les gens peuvent se réunir pour pratiquer cette pratique, c'est le cas de le dire, abject quand même. Donc je pense que c'est un endroit où ils peuvent quand même s'épanouir un maximum, et à la limite, autant qu'ils fassent ça dans des endroits spécialisés, comme ça, nous, ça nous évite de les voir, tu vois, s'exhiber la couane, parce que faut quand même reconnaître que quand t'as un quart entier de cartes vermeilles qui débarque, ils enlèvent les fringues. Non, stop, Fildar, s'il te plaît, ouais. Tu me calmes, ouais. On parle pas de Phil Barney, ok. Même tu pas. Dis à Bronze Z, au revoir, hop, terminé. Bronze Z, au revoir, terminé. Pourtant, il faisait du naturisme, Phil Barney. Non. Ça a été promis. Petit String. Avant d'accueillir Petit String, excuse-moi, ouais. Gérard, nous allons accueillir Bite de Ouf, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Tu appelles d'où, Bite de Ouf? J'appelle de Bourges. Bourges, ouais. Fréquence 107.2. Super. Tranquille. Bon, excuse-moi Gérard, excusez-moi tout le monde. Allez, on y va. Allez. Merci. Oh, top. Manu, s'il te plaît, on... Non, je voulais juste dire qu'il fallait se manier le cul pour avancer dans le débat. Bah ouais. Non, mais attends... Je suis là pour ça. Toi, t'es là pour ça, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse, d'accord? D'accord. On s'adresse à Petit String. Ah, hein. Ok. Ouais, bah donc, moi, tu vois, en fait, les centres naturisme, bah, j'y vais assez souvent. Parce que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien qu'on boit, quoi. Donc, bah, c'est là-bas que je peux entièrement assouvir ma passion, quoi. Parce que je suis super bien fait, je suis un super mec. Ouais, oh, non, mais attends, hé. Oh, ah, commence pas à vouloir jouer tes gros bras. Mais quoi, bah attends. Il se la pète. Non, mais commence pas à tapeter parce que tout à l'heure, tu as tapeté. Oh, tout à l'heure, tu as tapeté, tu allais tapeter dans ton lit, tranquillement. Voilà. Ok. J'ai tapeté dans mon lit tout à l'heure. Alors, eh ben dans ces cas-là, tu vas continuer de te la péter. Au revoir. C'est bien. Voilà. Sinon, ce meilleur, c'est, il y a Vaudou qui te conseille de jamais faire de naturisme, car les oiseaux pourraient confondre ton sexe avec un asticot. Bon, ben lui, il ferait mieux de savoir ce que ça veut dire le naturisme. Bite de ouf. Bonsoir. Donc moi, je suis assez friand, en fait, des centres d'entraînement. Je suis pas comme l'autre auditeur, là, qui... Ouais. Bah, tu pourrais prendre ton nom normal, s'il te plaît. Bah, c'est Bite de Ouf. Ouais, t'as raison. J'adore les centres... Bite de Ouf. Bite de Ouf, pardon. Ouais. Non, mais tu peux prendre ton nom normal. Bah, c'est... Je préfère pas le dire, parce que... Mais attends, tu crois que je t'ai pas reconnu? J'ai de la famille qui écoute. Tu crois que je t'ai pas reconnu, Tony? Mais Tony, c'est qui là? Mais arrêtez de me prendre pour un con là! J'étais en train de répondre à la question. Mais oui, là. Mais me prends pas pour un con, alors prends ton nom normalement. Bon, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, bon ok. Bah ouais, c'est Jean-Pierre, t'as raison. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, vas-y. Bon, je peux répondre à la question ou pas? Non, mais tu me donnes ton... Tu t'arrêtes de te faire passer pour Bite de Ouf. Ton vrai nom? Ouais, c'est Jean-Pierre. Ouais, c'est ça, mon cul. Michel Lopez. Mais allez. Allez Gérard, allez, on y va. Ça, c'est encore du Pildar tout craché. Merci. C'est pas grave, Pildar. Ça fait déjà deux jeudis que tu me poires. Alors vas-y, réponds. Bon, allez. Allez, réponds. Oui, bon, donc moi, j'adore les centres d'entraînement. Je suis très friand. Et puis, en fait, j'y suis allé cet été. J'étais en Alsace. Bah oui. Et il y avait. Et c'est pour ça qu'on te croyait parti au Portugal. Non mais là je. Mais c'est pas lui, Gérard. Mais si, je te dis que si. Mais c'est pas Tony. Mais non. Arrête de me cadrer. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, dégagez. Allez, hop, dégagez. Je m'appelle Jean-Pierre. Non, tu dégages, Tony. Au revoir. C'est pas Tony. Je te dis, c'est Tony. Arrête de te foutre de ma gueule. Je m'appelle Jean-Pierre. Non. On va voir. Non. Je vais gérer. Max, c'est terminé. Non, il gère rien du tout. Il n'y a plus d'auditeurs, donc mais on si, fait une si. Pause. Non. Là, c'est Tony, j'en ai marre. C'est viré, il est viré. Alors, Pildar. Oh, il y a 24 qui me disent ça, ne prend personne. Non, moi, je continue pas comme mais ça. Si. C'est deux jeudis, Max. Max, on peut plus travailler comme ça. Hé, il fait quoi, là? Il va le faire changer de nom. Non, t'envoies Manu. Hop. Quoi? Non, il n'y a pas de disque, c'est pas possible. Si. Ah non. Non, t'envoies un disque. Non, on dit que c'est plus comme avant. Mais on n'a plus d'auditeurs. Mais si, on a plus là, rien. Mais si. Non. Il y en a deux, là. Mais oui, mais je peux pas travailler avec deux auditeurs. Non, c'est pas possible. Mais tu m'annonces même pas. Tu me laisses même pas le temps de les annoncer. Ils arrivent. Mais attends. T'es en train de me prendre quoi, Bite de Fesse, c'est Tony? Alors que Tony le est soi-disant au Portugal, bah, tu fous de la Portugal, gueule. Il est au Portugal, oui, moi j'y peux rien. Non. Enfin bref. Ouais, il y a pas d'enfant, bref, tu me refais une liste comme il faut. On était à 8777. Ouais, et on est combien maintenant sur l'IRC ? Ça baisse un peu depuis que tu cries, mais on est quand même pas mal. On est quand même au-dessus des 8000. Et pour calmer le débat, il y a Snooze qui te pose une question très intéressante, à savoir, est-ce qu'un bébé tout nu sur une plage, est-ce que si un bébé est tout nu sur une plage, est-ce que c'est un signe disant que ce bébé plus tard sera naturiste de profession ? Ça, c'est une bonne question. Oui, parce que en fin de compte, si on regarde par rapport à ce que j'ai là, bon, ça, tu me diras, c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'on voit des enfants qui sont avec les parents, qui pratiquent le naturisme. Mais c'est vrai que par la suite, petit à petit, ils vont apprendre à développer leur corps, ça c'est vrai. Ah d'accord. Donc, naturiste de profession. Ouais. Ça peut être une profession si on veut, oui et non. Et ça rapporte combien cette profession justement ? Justement, peut-être une info là-dessus. Disons, en fin de compte, c'est pas combien que ça rapporte. En fin de compte, c'est que à l'heure actuelle, ça coûte. C'est un truc de licence. La licence, ça coûte 130 francs, si tu veux, par an, et constitue un laissez-passer permanent. Mais ça rapporte rien, l'accès, alors. L'accès à tous les centres. Mais si tu veux, il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de, d'un peu plus... Ben, je l'ai dit tout à l'heure... Mais c'est bon, t'as pas besoin de leur dire. Non. Hein, c'est bon. Donc, en fin de compte, si tu veux, c'est 130 francs par an pour... Pour montrer sa bite. Non, mais c'est un truc pour licencier. En fin de compte, je vois pas pourquoi. Ah, c'est un job et donc tu payes 130 balles pour te faire licencier de ton travail. Non, mais si tu veux, c'est un truc qui a rapport à... C'est un genre de camping. Donc, où c'est marqué le village de vacances qui est homologué par la fédération, et qui ne reçoit que des naturismes licenciés. La licence coûte 130 francs par an et constitue un laissez-passer permettant l'accès à tous les centres. Okay. C'est un lieu où l'on peut vivre du matin au soir. Cependant, il y a des heures à cause du froid, notamment des endroits où la nudité n'est pas de mise, tel que le restaurant à l'intérieur du camp. Non, mais c'est pour expliquer aux auditeurs. Ah bah oui, bah oui. Ça fait une page, on a le temps. Donc à l'intérieur, virgule. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. On a compris. On y va. Ouais, bien sûr, Fuldar, fous-toi bien de ma gueule. C'est bien de tout donner. Allez, on a plein d'auditeurs, Gérard. Ouais, donc, pour ça, on va continuer le débat. Donc, on va accueillir Jean-Éric, 21 ans de Limoges. Bonsoir. Oui, bonsoir, Gérard. Jean-Éric, 21 ans. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Donc, Limoges, 106.4 FM, fait, Radio. Tout à fait. Paul Alain, 24 ans, Paris, 101.9. Bonsoir, Gérard. Mademoiselle, quoi ? Pétoncule, toujours. Pétoncule. Donc 118.1, c'est ça ? Oui, c'est cela, rebonsoir à nouveau. Merci Fildard de me le préciser. Oui. Guy Gilbert, 22 ans, de Bordeaux, 104.5. Ouais, c'est moi, salut Gigé. Bonsoir à toi. Gilbert. Ouais, bonsoir. Salut Gilbert. Alors, quatrième question. Alors, que ressent-on la première fois que l'on fait du naturisme ? On va demander à Dame Mademoiselle Pétanque. Pétanque, pardon. Et bien en fait on est très gêné, c'est très gênant d'être se mettre tout nu pour la première fois devant des gens qui sont aussi tout nus quoi. Non mais d'accord. Ouais, attends, je vais te montrer. Oui. qui c'est qui s'amuse à. Ouais. Qui c'est qui veut me montrer là ? Qui c'est qui s'amuse à vouloir jouer les gros bras ? C'est le petit prétentieux là. Ouais. Voilà. S'il vous plaît. Alors que moi je t'aurais explosé le cul comme d'hab direct. S'il vous plaît. Je préviens d'une chose. Où les auditeurs donnent leur nom et vous répondez. Sinon vous virez. Alors Jean-Éric, Paul Allan et Guy. Crie pas. Et Guy Gilbert, vous répondez quand on vous demande. D'accord. Donc dans ces cas-là, vous laissez parler la demoiselle tranquillement ou sinon je vous vire. C'est terminé. Donc vas-y. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de tabou sexuel après, il n'y a pas de tabou, quoi. Mais bon, c'est très difficile au début. Quand t'as tes règles, tu es obligé de te coller la serviette à l'envers, quoi. Ouais, ça colle au poil. Non, mais ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu... Bon, attends. Oui. Pétancule, t'as du monde chez toi? Ah non, pas du tout. T'as un portable? Ah non, j'ai pas de portable. Je voudrais bien que celui qui a un portable... Ouais. Oh là, mais c'est quoi ce son-là? Non, c'est le standard, on va gérer. Oh non, mais... Oh... Non, mais ça vient pas de lui, mais ça vient de la machine. On peut rien faire. Oh non, mais là... Alan, continue, Gérard, continue le débat. Jean-Éric. Ouais, bah écoute, moi, la première sensation que j'ai ressentie, c'était quand même le froid. Parce que d'habitude, quand j'ai le sexe à l'air, je le cache vite dans le sexe de ma copine. Et là, c'était quand même une des premières fois où je me retrouvais avec le sexe qui était complètement à l'air pour des heures, quoi. Torse-boule. Donc, de quoi? Torse-boule. Torse-boule, voilà, tout à fait. Ouais. J'étais torse-boule et c'est vrai que, bon, c'est pas une situation du... Non, ça s'appelle torse-nu, d'accord? Non, torse-boule. Là, ça dépend, t'es nu d'où? Ah ouais, si t'es nu des boules, c'est torse-boule. Ah, c'est torse-boule. Ouais. Voilà. Bon, ouais. Donc, ouais, Paul Alain. Et moi, Gérard, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que la première sensation que l'on peut ressentir... Non, mais attends, et Paul Alain. Oui. C'est quoi ton accent, hein? Wow, tu prends ton accent de Paris, tu prends pas ton accent marseillais. Non, c'est Maïté, ça. Je suis en vacances chez mon cousin. Non, mais dans ce cas-là, t'appelles pas de Paris parce que tu as l'accent marseillais. Non, je n'ai pas l'accent marseillais, j'ai l'accent toulousain. Eh ben alors, dans ce cas-là, tu appelles de Toulouse. Eh ben écoute, je suis bien désolé. Si je suis en vacances et que j'ai eu l'opportunité d'appeler pour les débats de Gérard, je n'ai pas pu faire autrement que d'appeler de Paris. Et tu as bien fait. Tout à fait, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Bonne réflexion très pertinente. Oh là là, mais que... Oh non, mais... Veux-tu que je réponde à ta question? Oh là, mais... Oh là, je voudrais bien savoir d'où provient... Les doubles voix là, parce que il me parle et il y a quelqu'un d'autre qui répond à sa place. Il y a un double accent là, ouais. Donc, c'est peut-être dans ta tête, ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Paul Alain. Si on peut me permettre de m'exprimer, donc je disais donc que la première sensation que tu peux ressentir, c'est quand même le vent qui vient te caresser. Les couilles, hein. Et tu... Oh, les couilles. Pétancule. Oui, mademoiselle Pétancule. Ouais, bah tu te calmes. Pardon. Parce que sinon tu vas aller faire dodo. Non, mais c'est moi, c'est le premier truc qui m'a caressé. Ouais, non, mais moi je te dis, tu laisses parler l'auditeur, d'accord, ou sinon tu vas faire dodo. En de bon entendeur, salut. En de bon entendeur, salut Pétancule, tu laisses finir l'auditeur. Merci. Oui, je t'écoute, Paul Alain. Que ressens-tu lorsque tu te mets tout nu, toi? Non, avant de questionner les auditeurs. Non, mais justement, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui... Ton expérience, c'est... Non, mais c'est moi qui mène le débat, donc c'est moi qui pose les questions. Donc, je te demande, que ressent-on la première fois que l'on fait du naturisme? Donc, tu réponds... Des frissons grâce au vent. Donc, d'après toi, ça serait des frissons? Oui, tout à fait. Ok. Une sorte de gêne aussi, quand même. C'est-à-dire? Une sorte de gêne que tout le monde se voit tout nu, exhiber son petit sexe ou son gros sexe, ça dépend des formats, n'est-ce pas? Comme les noirs qui ont un gros sexe et les blancs qui ont un petit sexe, ça ne se comprend pas. Non, mais ça, c'est vrai que... justement, on va essayer d'abréger là-dessus. On va laisser parler Guy Gilbert et après tout le monde. Mais en essayant que ça mène pas trop à la panique, tout le monde répondra, dira son expression. Mais après, il faudra qu'on attaque la cinquième question, d'accord? Okay. Donc, Guy Gilbert. Ouais, donc moi, en fait, si tu veux, la première fois que j'ai fait du naturisme, la première sensation que j'ai sentie, c'était la douleur, quoi. Non, mais je sais. Mais attends, pour l'instant... Quelle douleur, justement, c'est Paul Alain qui vient de poser la question. Justement, j'allais te poser la même question. Quelle douleur que tu ressens quand tu le fais pour la première fois? Voilà, alors je t'explique. Parce qu'en fait, si tu veux, moi j'étais sur une plage. Et en fait, tu sais, il y avait plein de vents de sable, quoi. Et quand t'as les grains de sable qui viennent se coller sur ton gland, je peux dire que... On va essayer d'abréger sur la question. De manière, on a largement le temps un peu. Ça déchire, hein, franchement. Mais c'est vrai... Et c'est vrai, je sais pas si parmi les quatre auditeurs qu'on a, est-ce que quelqu'un a vu le reportage de mercredi? Qui Jean-Éric. On l'a tous vu. Gilbert. Non, attendez. Jean-Éric. Oui, tout à fait, bien sûr. Tu l'as vu? J'ai suivi l'actualité, tout à fait. Paul Alain. Non, je ne capte pas tes sons. Bah attends, t'es séparé, Non, non, en fait, je suis dans une famille qui... Non, non, mais attention, attention, c'était pas sur tes pas en nuance. Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre, mais dans tous les cas, je ne possède pas la télévision à Paris, car je vis dans une famille très austère. D'accord. Donc, pour toi, tu ne l'as pas vu? Non. D'accord. Mademoiselle Pétoncule. Oui, je l'ai vu. Mmh. Oui. Guy Gilbert. Bah ouais, forcément que je l'ai vu, sinon je participerais pas à tes débats. Bon, tu peux nous parler alors, hein. Donc, ouais, justement, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que je suis venu, et en plus dimanche on avait bien précisé. Ah, c'est normalement. Dommage. Non mais ouais. Normalement c'était prévu que ça soit enregistré. Ouais, après les conseils, je devais le revoir pour justement en parler mieux. Mais, bon, en fin de compte, ça s'est pas passé. Donc tu parles un truc que tu connais pas. Donc voilà, non, non, mais ça, voilà, c'est de la faute, c'est de la faute des deux standardistes, parce qu'on en avait parlé dimanche avec le chef et c'était prévu. C'est on assume, hein. J'avais bien présidé, j'avais bien demandé Fildéard à ce que le... Oh, mademoiselle Pétanquille, merci. Donc, j'avais bien dit à Pildard dimanche, comme quoi... Je l'ai vu, il était pourri. Oui. Mais de toute manière, c'était pas parce que c'était pourri. Avec Max, c'était prévu que tu devais l'enregistrer. Tu l'as pas fait, donc Kiki, hein. tu n'as pas fait ton boulot, point final à la ligne. Alors maintenant, tu fais ton boulot au standard, et c'est tout. Je ne veux plus t'entendre, sauf si je vire un auditeur. Merci. Question peut-être IRC avant d'abréger un petit peu sur oui, tout à que fait. Ressent-on sur ça avec les auditeurs. Il y a beaucoup de gens qui se répètent énormément, mais on va en prendre une petite. C'est la police qui dit: est-ce que Nicolas le jardinier peut être considéré comme le plus grand des naturistes? Nicolas Jardinier, non, parce que je vois pas du tout le rapport avec... Et de là, on peut extrapoler, est-ce que les vers... Ils bêchent à poil, hein, on peut le dire. Quand il mine et qu'il bêche, pas trop il a ce qu'il poil. Fait avec le manche de sa bêche. Non, mais justement, on peut... Il mine pas avec ce qu'on croit. Hein. Non, mais ça, je peux pas répondre là-dessus, c'est une question... Quand il était dans la Maison du Bonheur, je me souviens, sur TF1, avec Evelyne Delia, il y avait Carole Varenne, il y avait pas mal de gens, ils étaient tous à poil. Ouais. Tous à poil. D'autre part, sur Unitel, excuse-moi, on me disait que Christophe Lambert, il faisait du naturisme. Christophe Lambert. Ah bah on me disait Christophe, moi. Non, bah Christophe, c'est Christophe Malavoie. Oh, pardon. Oh, oh. Oh bah oui. Hey, tous les deux, là, vous fermez vos clapets, d'accord. Du délire. Et il y a un certain tarte à la crème qui veut qu'on le rappelle, on le prend son numéro. Non, c'est pas la peine parce que ça m'intéresse pas du tout d'avoir des petits cons comme ça. Pour ça. Donc Jean-Éric, Paul Alain, mademoiselle Pétanculé, Guy Gilbert, donc... Oui. Donc alors, c'est Guy Gilbert. Ouais. Je pense... Oh, mademoiselle Pétanculé, merci. C'est mon jingle. Ouais, non, mais c'est ton jingle tout à l'heure, ton jingle, tu allais le retrouver dans ton lit. On va rappeler le pâtissier mystère. Guy Gilbert, ça va être pareil tout à l'heure. Pardon? Oui. Ouais, quoi. Tu m'as très bien compris. Ah, t'as bien compris. D'accord. C'est pas okay. Tu t'éloignes du débat, là, Gérard. Bon, alors, c'est Guy Gilbert qui avait dit qu'il ressentait des sensations avec le sable. Ouais. Donc, alors maintenant, on va essayer de faire vite. Là-dessus, donc si des fois vous voulez en rajouter, de poser des questions. Non. Non, si, moi je voulais savoir. Oui, oui, c'est qui. Mais donnez vos noms au fur et à mesure. Hein. Jean-Éric. Oui. Pardon, c'est moi. Excuse-moi. Oh, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je suis revenu, c'était une interférence. Souvent, tu sais, à la plage, quand on fait du nudisme, on a quand même une casquette sur la tête ou un vieux Bob Ricard, un Gardos. Et je voulais savoir si ça pouvait être considéré comme du naturisme, alors qu'en fait, t'as encore des vêtements, quelque part. Même si c'est pas sur le corps. Très drôle. Non, mais pour l'instant, je suis en train de regarder Pildard qui est en train de s'amuser. Non, qui s'amuse à faire des essais pour régler le son. Ouais, Gérard, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais. Les gens, c'est leur travail, Gérard. Mais Monnier, je sais ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il n'a pas envie de laisser parler les auditeurs. Mais Monnier, apparemment, il a envie de me gâcher mes débats cette année. Donc, ça ne sert à rien de qu'on continue. C'est dommage parce que. C'est dommage, Philou. Non, mais moi, j'aurais bien voulu avoir. Parce que là. Ah, fais-le, là. Qu'est-ce qu'on va aller vite. Non, mais attends. Toi, pour l'instant, t'arrêtes tes conneries, d'accord. Hein. Après, tu prends ton boulot. Mais c'est bon. Comme les dernières. Hein. Mais tu t'amuses pas comme ça. Tu t'amuses pas à appuyer sur tous les boutons, ok? Bah si, c'est pour faire des réglages pour que le technicien soit là. Ouais, non. Excusez-moi. Troisième intervention. Allez, on y va. Merci beaucoup. Ouais. Manu, tu arrêtes avec tes conneries, d'accord? Non, c'est pour vous parce faire... Tu vas me le retirer. Okay. Ça y est, c'est fait. Vas-y. Bon, alors, maintenant, je voudrais bien... je voudrais bien qu'on en revienne sur que ressentons pour la première fois que l'on fait du naturisme, mais sérieusement. Ça fait 10 ans, sinon... T'en as déjà fait, toi, du naturisme? Non, personnellement, non. Alors, pourquoi tu en parles? Non, mais justement, je pose la question. Attends, tu poses la question, tu penses en faire dans un futur proche, peut-être? Non, personnellement, dans l'immédiat, non. D'accord. Ouais. Dans l'immédiat, non. Non, parce que comme c'est bientôt les vacances d'hiver, tout ça, je me dis... Non, mais même, la question, ça va être la dernière qu'on va poser. Mais même, si tu veux, c'est qui vient de poser la question? C'est Jean-Éric. Ouais, justement, on va la poser tout de suite. Ouais. Hein, on reprendra dans... Tu peux la poser devant ton micro, Gérard, si on reprendra le débat dans un ordre différent des questions, mais c'est pas grave. Professionnel, donc, hein. Alors, peut-on faire du naturiste toute l'année? Donc Jean-Éric, pour toi, est-ce que tu en as déjà fait durant l'hiver? Bien sûr. Moi, je ne sais pas si tu as déjà senti le contact de la neige sur un corps nu. Ça fait du bien. Mademoiselle pète en cul. Ah, mais oui, kiffe tout de suite. Attends, Paul-Éric. Jean-Éric, pardon. Oui. Mademoiselle pète en cul. Oui, Gérard. C'est la dernière fois que je te demande de laisser parler les auditeurs. Après, tu réponds. Mais c'est vrai que le contact de la neige... Pour l'instant, vous laissez parler l'auditeur. Ouais. Après, vous répondrez. Et justement, on va essayer d'en savoir plus. Moi, je sais que personnellement, comme Jean-Éric disait, moi, personnellement, le faire... est-ce qu'il y a des... Peut-on faire du naturisme toute l'année? Moi, je peux dire une chose que, déjà, en plein été, c'est bon, mais en plein hiver, non. Mais si, c'est ça qui je est ne pense pas. C'est oui, mais... marrant, oui. Gérard. C'est qui? C'est toujours Jean-Éric. Oui. Moi, je me souviens d'un petit film qu'on avait fait, on était tous nus en moon boots. Je veux dire, c'est ça l'intérêt du jeu, tu vois ce que je veux dire? Tu n'étais pas nu, j'étais en moon boots. Oui, quelque part, j'avais un bonnet aussi. Ouais. Je me faisais tirer le pompon comme un chien. Il y a un gros tire-fesse. Excellent. C'était quand même bon, on enchaîne. Alors, Paul Alain. Oui. Eh bien, écoute, si tu as un temps soit peu de jugeote, Gérard, toi-même, irais-tu faire du naturisme en plein hiver à te geler les couilles et la tête? Bien sûr. Celui qui dit bien sûr à ma place, il ira se faire foutre, il ira se coucher. Bah, attends. Hein. D'accord. Pas tous en même temps. Donc, Paul Alain, moi, je peux te dire une chose que non. Mieux. Tout à fait, parce que je suis MNS sur la plage de Vendeuil-Montalivet. Je sais pas si tu vois. De quoi? Je suis MNS, maître nageur sauveteur. Ah ouais, donc. Non, il est MST. MST, toi, la grande gueule, mademoiselle pète en cul maintenant. Okay, alors vas-y, attends, Paul Alain, laisse parler la grande gueule. C'est toi qui me coupe la parole, Gérard. Excuse-moi de te couper la parole. Maintenant, laisse parler la grande gueule, là. Vas-y. Mademoiselle pète en cul. Ouais, bah alors vas-y, toi, la grande gueule. Bah oui, moi j'en fais aussi l'été, l'hiver. Non mais vas-y. J'en ai aussi fait pendant la saison des pluies en Amazonie, je te le conseille, parce qu'il y a plein de bêtes, enfin c'est super. Ouais. Et alors quoi? Et alors, ça te donne quoi? Bah rien, je réponds à ta question, Gérard. Ah ouais? Est-ce que t'en as fait sur les plages? Oh là! En été comme en hiver. Ouais, même en hiver, t'en fais sur le sable? Mais t'en fais sur le sable, bien sûr, t'es couverte. Ah oui, t'es couverte de quoi? Moon boots, tu mets des choses comme ça? Non, mais attends. Mais tu mets des après-ski, non mais attends. Attends. Tu permets, c'est moi qui commande le jeudi, donc c'est mes débats. Donc, tu crois me faire croire que tu vas faire du naturisme toute l'année avec des après-ski l'hiver. Bien sûr, mais aidez-moi, dites-lui. Mais non, mais non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Jean-Éric Paulin et Guy Gilbert, laissez-la parler. Elle a voulu jouer. Laissez-la parler, laissez-la parler. Alors vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, comme tu veux couper. Non, mais comme tu coupes la parole sans arrêt aux auditeurs. Alors vas-y maintenant. Mais pas du tout. Mais si. Alors vas-y. Tu arrêtes de me couper la parole, s'il te plaît. Oh, si t'es pas contente, tu retournes. Allez, hop. Pas tort. Hop. Au revoir. Allez, hop, celle-là. Allez, va se faire pète en cul ailleurs. Ouais. Voilà. Enfin, Rigo. Donc c'est moi, bonsoir. Ouf. Pour calmer le débat, donc enfin même pas le calmer, on est quand même 9300. Ah, petit problème de son là. Manu, je viens de te voir. Ah non, c'est faux. Ouais. Alors on est 9346. 9348. Ça mérite des applaudissements. Ça a monté. Ça mérite des applaudissements. Oh, ouais, merci de l'équipe, mais c'est des bandes de câbles. C'est pas grave. Et il y a un petit sondage de Davy 1 qui donne un petit sondage réalisé auprès des groupes de naturistes de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous arrive-t-il de regarder la télévision nue seulement en mangeant du thon au naturel 15%? C'est pratique quand on a les couilles qui grattent 12%. Et c'est à quelle heure le film de cul sur canal 26%? Et non, on risque d'attraper des kystes au cou 29%. Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, qu'est-ce que j'en pense de ces conneries? J'en ai rien à foutre. Non, c'est logique, c'est tout à fait logique. Car quand tu te trimbales le cul... Qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle là? C'est Paul Alain. Ouais, ben Paul Alain, pour l'instant, t'attends que je te donne la parole. Tu viens de me couper la parole, justement. Non, mais justement, t'attends parce que je réponds à la question de l'auditeur. Très bien. Déjà, une, les films de cul, ça n'a rien à voir avec le naturisme. Donc, s'il aime dépenser du pognon sur Canal+, c'est devant son problème. Devant ton micro, Gérard. S'il aime dépenser du pognon sur Canal+, c'est son problème, c'est pas le mien. Paul Alain, comme l'autre, on l'a viré, donc maintenant... On est bien entre mecs. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir continuer sérieusement le débat. Mais j'aimerais bien parce que ça commence à attends Paul Alain. 5 minutes. Excuse-moi Paul Alain, à la place de Mademoiselle Pétoncule, on accueille Jean Josiane qui habite à Bar-le-Duc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean Josiane. La fréquence s'il te plaît. 101 points. On est bien entre mecs, hein. Oui, non, mais c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Sans... Ça fait plaisir, merci. Oh ah non, mais quand même. Hein. On est bien entre mecs. Oui. Nouvelle copine. Qui c'est qui commande, là? C'est toi, Gérard. Alors, ta fréquence correcte. 101.1. Merci. J'espère que tu as entendu la question. Non, malheureusement, non. Oh. Ah là là. Vilda, excuse-moi, Gérard. Je suis désolé, pardon. Au moment où tu posais la question, je l'avais au téléphone et je l'ai même pas moins entendu. Attends. Comme par hasard, Jean-Éric, tu peux répéter la question, s'il te plaît, comme on te l'a posée? Oui, tout à fait. Il voulait savoir si, dans la conjecturalité de la structure actuelle de l'événementiel, tu pensais que c'était possible et réalisable. Ah, non mais Jean-Éric, Jean-Éric, oui. Jean-Éric, oui. Tu te foutrais pas de ma gueule? Non, tu prendrais le train pour ça, ça coûte moins cher. Mais je vais te dire une chose, Jean-Éric, c'était pas la question. La question, c'est peut-on faire du naturiste de toute l'année? Et c'est toi justement qui a voulu aborder le sujet. En plus. Ok. Donc t'as pas été capable. Donc, ok. Voilà. Alors Paul Alain, donc je m'excuse de t'avoir coupé la parole de trois fois. Oui, que tu t'excuses. Voilà. Alors donc Paul Alain, vas-y. Alors moi, je peux te dire qu'on peut faire en effet du naturisme toute l'année. Prends-tu toi-même des douches toute l'année? Non, c'est faux. Oh. Des douches toute l'année, si tu peux en prendre régulièrement 24 heures sur 24. Toi-même, en prends-tu? Oui, moi j'en prends. J'en doute. Mais bon, là n'est pas le problème. En fait, on peut dire que oui, le naturisme est possible toute l'année, mais pas sur la plage. Comment ça? Eh bien, en fait, moi-même, donc, je te disais que j'étais MNS, donc maître nageur sauveteur. Ouais, donc... Ou chasseur, ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Non, attends. Tu veux dire, donc, maître nageur sauveteur, oui, des plages, oui, d'accord? Tout à fait. Ok. Oui, tout à fait, oui, tu peux le dire. Donc, en fait, donc, quand je suis maître nageur sauveteur, je ne le suis qu'en été. Preuve qu'en hiver, personne ne se baigne les couilles à l'air. Oui, mais par contre, justement, la question, c'est dommage qu'on n'a pas trop le temps. Oui. Mais justement, je voulais te demander, est-ce qu'en hiver, il y a des sauveteurs quand même? Oui. Est-ce qu'il y a des noyés? Il y a des équipes de garde, mais c'est vraiment pour les gros barjots qui n'ont pas peur de se peler le gland. Hein. Non, mais de toute manière, il y a quand même des sauveteurs en plein hiver pour les sauvetages Non, il y a quand même des sauvetages en plein hiver pour les avalanches. Oui, mais pas sur la plage. Généralement. Ah oui, mais non, mais ça, d'accord. On va s'éloigner un petit peu du sujet, mais c'est non, il faut pas. À la dune du Pila, il y a des avalanches. Mmh. Hein. Bah oui, d'accord. Non, mais c'est bon. Je voulais ça. GG, Mitch, l'hiver, il est détective privé, il me semble. Non, mais c'est bon. Guy Gilbert. Ouais. Donc. Je m'excuse, Guy Gilbert, on va pas s'amuser à parler des séries télé parce que sinon on n'en finira pas. Hein. Ouais, il y a aucun problème, Gigi. Après, on va parler des gros seins, tout ça, c'est pas bon. Non, mais on va pas parler de Pamela Anderson. Ouais, elle est trop bonne. Oui. Maïté. Oui, sur Minitel, il y a Tarken qui me demande depuis tout à l'heure si Christian Clavier et Christine Bravo font du naturisme. Je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas de solution là-dessus. Ah, donc, okay. Je ne peux pas dire s'ils en font ou pas. Voilà. Merci. Guy Gilbert, toi ? Non, Guy Gilbert vient de partir, Gérard. Je suis désolé parce que ses parents viennent de rentrer du cinéma. Ah, et donc, ils l'ont topé, il s'est pris une volée, ils l'ont foutu au pieu. Bon, dommage. Alors, Jean Zosiane ? Oui ? Donc, toi ? Ben écoute, moi je pense que c'est quand même dangereux de faire du naturisme, mais particulièrement en automne. Hein ? Non mais toute l'année. Toute l'année. En quelle odeur ? Attends. S'il vous plaît. Je demande à Josiane, toute l'année. Jean Josiane. Ouais, Jean Josiane, je te demande. Pareil. Toute l'année. Je te demande pas si c'est en automne. Je m'en fous que ce soit automne ou autre. Je te demande toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier. Mais attends, tu me laisses... Mais tu me coupes, Gérard. Tu me laisses finir et tu vas me répondre. Est-ce que tu peux faire du naturisme du 1er janvier au 31 décembre? Voilà, toi de répondre. Non, écoute, les autres ne peuvent pas, moi je peux, parce que vois-tu, les feuilles, ça ne me pique pas. Ouais, alors, je vais te dire une chose, le pipeau, t'as pas les c'est mon chien. Non, mais t'as pas l'esprit qui enfle, là. Pardon ? T'as pas l'esprit qui enfle ? Bah écoute, ça me gratte des fois, mais bon... Ouais, non, mais ça va, elle te coûte pas cher les fleurs cette année. Elle te plaît, Jean-Josiane, hein ? Quoi ? Hein, Josiane ? Elle te plaît, Jean-Josiane, elle te plaît bien, Jean-Josiane, okay. Gérard. Gérard, sondage, s'il vous plaît. Non, sondage avant. Sondage, après on prend un auditeur ça et va on faire prend mal. Une question. Une question... sondage. Alors, que doit-on faire pour devenir naturiste? Alors, 45% des gens répondent qu'il faut coucher pour être naturiste. Ça, c'est faux. Il n'y a pas besoin de coucher pour faire du naturisme. Non, mais quand tu couches, c'est quand tu fais l'amour, non, t'es nu. Non, mais ça... Donc, tu es déjà naturiste. Non, ça veut dire coucher, ça veut dire tu prends ta nana, tu la forces à en faire. Non, ça, c'est bon pour toi, fil d'art, mais niette. 31% et répondent... Que c'est pas mon problème. Eh ben oui, mais c'est vrai, c'est pas mon problème, mais c'est pour ça que je voudrais faire le débat, mais apparemment ça se passe bien, donc je voudrais que ça continue. 20% des gens pensent qu'il faut des études de cul. Ça, non, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des études de cul. 12% vont demander à leur avocat. Ça, là-dessus, niette. Donc, pourquoi non ? Hop. Il n'y a pas besoin de demander à son avocat pour aller faire du naturisme, mais attends, faut être... Bah, des fois, il y a peut-être endroits où c'est interdit. Mais non. Tu connais pas de ton sujet. Mais non, et oh. Mais si tu connais pas le reportage. T'as pas vu le reportage, qu'est-ce que tu veux en parler? C'est à cause de toi, espèce de petit con. Mais moi, je l'ai, la cassette, chez moi. Bah, tu l'as, espèce de connard. On t'a demandé de l'enregistrer ici, alors arrête tes conneries. Et je l'ai emmené chez moi. Ah oui. Allez, hop. Moi je l'ai regardé avec ma mère, elle a apprécié. Allez, tous les deux, va surveiller ta copine qui est du côté de la porte d'Auteuil, ça vaudra mieux. Rigaud, s'il te plaît, oui. Oui, alors justement à ce propos, il y avait Turbo tout nu qui aimerait bien faire du naturisme, mais est-ce que il y a besoin d'un permis pour ça? Non, je l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin de permis, c'est simplement une licence qui coûte... Tu vas parler à la page, hein. C'est pas possible. Francs par an. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de... c'est simplement une licence, c'est tout. D'accord, il y a Gollum qui voulait savoir si ça t'avait fait mal la première fois. Personnellement, j'y ai jamais été, donc je ne peux pas y répondre. D'accord. Mais Gérard, est-ce que tu connais des endroits où il y a des camps de naturistes en France? À Bordeaux, oui, justement. À Bordeaux, il y a un camp de naturistes? Oui, et justement, c'est là qu'il a été créé, en 1949. Et il n'y en a qu'un en France? Il n'y en a qu'un, Non, il y en a... je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a... Oh là là là, mais c'est pas possible, hein. Allez, ça sature. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a... Oh là, non, Manu, c'est toi. Non. Non, c'est pas Manu, c'est le son. Manu, arrête. Manu, c'est toi. Non, c'est toi qui arrêtes, j'ai rien fait, alors tu continues, Gérard. Oh, oui. Voilà, merci. Pour l'instant, c'est moi qui commande, c'est pas tes débats. Oui, mais quand j'ai rien fait, alors tu continues. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Devant ton micro, on t'entend plus. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Allez, Gérard. C'est pas tes débats, c'est mes débats. C'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui viens me mettre du double son. Ok. Alors, en de bon entendeur. C'est ça, Gérard, c'est ça que t'as entendu. Non, pas mais nous. Tu arrêtes de t'amuser de ça. Parce que ça, j'en ai ras-le-bol. Il se plaint du son, il dit que c'est moi. Ouais, non, mais tu t'amuses pas avec. Ok. Ça sature. Parce que c'est bizarre. Quand c'est Max, on n'entend pas ce bruit. Ah non, mais moi, ça a saturé toute la soirée. Mais si, regarde, elle est là. Ouais, ça saturait toute la soirée. Ouais, mais là parce que tu le bouges. Oui. Mais lui, il fait du bruit, c'est fort. Ouais. Donc, faut être balèze. Allez, faut être balèze. On y va. C'est vrai que c'est un gros cochon. Hey, t'arrêtes avec ces conneries. Max, s'il te plaît, tu me retires cet appareil. Attends, parce que je vais les couper, voilà. Gérard, tu disais quoi par rapport, tu sais, au camp de naturistes qu'il y avait à Bordeaux, il y en a qu'un ou il y en a plusieurs? Gérard. Non, il y a... Ah, tiens, tu vois, c'est moi, là, peut-être. Ça sature. Hein, Mais de toute manière, en France, pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais je sais que ça a été créé en 1929. T'es les 7 jours. Non, mais ça, c'est Tu demanderas à ton abruti de... Devant le micro, on t'entend pas. Tu demanderas à ton abruti, là, de dimanche, tu y avais demandé. Oui. De faire quelque chose, il l'a pas fait. Mais je l'ai fait. Mais non, moi. Tu l'as pas fait. Mais attends, on t'a pas demandé chez toi, on t'a demandé si pas mercredi. Mais ma mère, elle me l'a demandé. Mais ta mère, c'est ta mère, d'accord. Ma mère, elle m'a demandé la cassette. Allez, fais-nous une imitation. Allez, casse-toi. Vas-y, fais-nous une imitation. Casse-toi. Allez, casse. Qu'est-ce que je t'ai demandé dans la voiture? Bon allez, bref. À la place de Guy Gilbert, on accueille Gwynette, 35 ans. Quoi? Allez, Gwynette. Salut, on y va. Hey, combien y a? Bonsoir. Oh là là. Bonsoir Gwynette. Au passage que je viens de regarder le Médiamétrie là. J'ai regardé l'audience. Non. On est à plus de 12 millions de téléspectateurs. Ton micro. Merci. T'es prié d'éteindre ton micro quand quelqu'un parle. Combien? C'est parti. 12 millions, débouche-toi les oreilles et des cotons-tiges. Pour l'instant, on est à 12 millions. Oh, qui c'est qui vient de dire ça? 12 758 000 auditeurs. Ok, je te remercie, chef. Qui c'est qu'on appelle? Gwynette, on paye personne. Hein. Gwynette, 35 ans. Bonsoir, Gwynette. Bonsoir. Heureux de t'appeler. 35 ans, célibataire. Ouais, bah, on s'en fout de célibataire. Et moi aussi, célibataire. Cochonne. Oh! Ta fréquence. J'appelle de Mont-de-Marsan. De fréquence. Parle plus fort, Gwynette. 89.1. Tu peux parler un petit peu plus fort si ça ne te dérange pas. Oui, je le peux. Non, rien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour moi? Depuis quand existe-t-il? On vient de le dire, depuis 1929, c'est pas la peine qu'on pose cette question. Ouais. Peut-on avoir une amende si on fait du naturisme à Paris? Et ça sera la dernière question. Non, je pense pas, parce que quand tu regardes franchement, il y a combien à Paris? Non, à Paris, c'est pas possible. Il y a combien d'endroits? Pour l'instant, peut-être en région parisienne. Oui, plus dans la banlieue. Banlieue proche. Dans la banlieue, pour l'instant, sinon, Manu, Fuldard, vous fermez vos clapets. Rigaud, Paris, il peut ouvrir sa gueule, Rigaud. Oui. Et il n'y a que Rigaud qui loupe s'il y a des questions IRC, parce que sur le Minitel 3615 Quantum Radio, je voudrais qu'il y ait du monde et qu'on passe. Il y en a du monde, mais si, si je te disais tout ce qu'il me disait, tu me taperais dessus. Ouais, non, mais si c'est pour me parler de son lit, ce n'est pas la peine. Sur l'IRC, j'espère que c'est pas pareil. Bah non, il y a juste Moko qui demande comment reconnaît-on Gérard dans un camp de nudistes. C'est le seul qui a des mouches autour de la bite. Et comment c'est drôle. Comment ça mange pas de pain, tu pues du sexe. Bien sûr. Tu pues du sexe, c'est oh, pour ça qu'il y a des mouches. Ça fouette là. Gérard, tu es devenu ouf ou quoi? Allez, dérape. Là, je veux dire autre chose, c'est terminé. D'accord. Mais t'es devenu taré ou quoi, Gérard? Ouais, mais je te préviens. C'est la première. La première et dernière fois que tu me dis une réflexion comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? D'accord. Je sais pas capté. Première et dernière. Hein? Première et dernière fois. Ok. Bon Gérard, on en était où alors? Toi c'est pareil. Oui. Parce que dans ces cas-là, ça va mal se terminer pour tous les deux. Ah mais il a rien fait. Hein. Ouais mais de toute manière on va régler nos comptes après le débat. À coup de part. Avant de reprendre le deuxième débat, on règle les comptes. D'accord. Avec le chef. D'accord. Parce que là, j'aime pas trop que vous foutez de ma gueule. Il va remettre les points sur les i et les barres sur les Donc peut-on prendre une amende quand on fait du naturisme à Paris? On va demander à Jean-Éric. Ouais, bah écoute, le naturisme sauvage, c'est interdit, donc évidemment, si tu fais ça à Paris, tu prends une prune direct, obligé. Obligé, bah oui, t'as pas ouais, mais ouais, mais d'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que dans Paris, il y a certains trucs qui sont interdits, parce que c'est vrai que l'année dernière, je crois qu'ils ont eu des petits problèmes. C'est du côté du Trocadéro, parce qu'il y a trop de personnes qui se... Ça, tu vois, c'est de l'expressionnisme. Si tu fais ça à Paris, direct, c'est répressible, toi. Ouais, mais en banlieue, moi, je sais qu'il y a des coins, genre dans le 9-4, tout ça, tu peux y aller. Hein. Ah non, mais ça... La quéquette à l'air. Non, mais attends, Rigaud, attends. Rigaud, t'es à poil, le 9-4 il y en a. Rigaud, c'est vrai. Au bois de Vincennes. Attends, là-haut. Tu mets à ton micro, s'il te plaît, quand je pose la question à Rigaud. Je peux faire le débat avec vous ou pas? Non, toi, t'es exclu. Tu t'occupes du standard et c'est tout. T'es exclu, mais au moins, il te tape pas dessus, à toi. C'est ça, je suis exclu du débat. Bon. Vous pourrez peut-être participer, c'est vrai, quand même. Eh, merde. Ouais. Et puis moi, il m'a tapé dessus, je me casse aussi. Ouais, bah, allez, hop, cassez-vous. Allez, hop. Fais le débat tout seul. Donc, Rigaud, sur le 9-4... Bonsoir. T'en as vu, toi, déjà, personnellement, non? Il y en a beaucoup, mais plus du côté de Fresnes, à la limite d'Anthony. Ouais, non, je suis pas d'accord, vers 20. Non, il y a rien par là, il y a pas de... Si, il y a des gens qui habitent. Oh! Personnellement, habitant l'Arc de Triomphe, je peux te dire que j'ai déjà vu quelqu'un courir nu dans les Champs-Élysées se faire manger les couilles avec des bois verts. Hein. Ouais, non, mais de toute manière, il y en a un qui s'est fait prendre par les flics lors de l'arrivée du Tour de France aussi. Hein, aussi avant Antenne, hein. Avant j'ai toujours cru que c'était toi. T'as non, mais c'est pour moi. Paul Alain. Oui. Paul Alain, donc toi. Oui, mais écoute, moi je pense que oui, le naturisme sur les Champs-Élysées particulièrement est fortement réprimandé. Mm-hmm. Mais excuse-moi, j'ai toujours cru que c'était toi qui faisais du... Attends, Paul Alain. Oui. On va pas sans arrêt dire moi parce que j'en ai ras-le-bol. Mm. D'accord. Faudrait peut-être arrêter un peu de dire toujours moi. Je voudrais faire une chose, c'est qu'on termine la dernière question sans par dire toujours moi. Okay. D'accord. Parce que toi. Moi. Alors faudrait arrêter. Donc moi je vous demande pour vous. Ah t'as dit moi. Pas personnellement moi, d'accord. Alors si vous voulez jouer au con comme ça, alors on termine. Conclusion du débat. Bah non. Mm-hmm. Bah conclusion. Non. Jean-Éric, conclusion du débat. Écoute, je sais pas, t'aurais pu poser une question de plus là. Non, c'est conclusion. Monsieur. Non, il est une heure, c'est conclusion. Il reste juste une question. Conclusion du débat. Allez, dernière question, on y va. Jean-Éric, conclusion du débat. Non, mais aidez-moi. Bah oui, il faut... Jean-Éric, conclusion du débat. Bon. Une fois. Ok, bah écoute, le naturisme, c'est bien. Moi, je pense que quand on a les mêmes vêtements depuis 2 ans, on ferait mieux de faire du naturisme. Ça, c'est une évidence claire. Tu peux faire... Ah, j'ai été coupé encore, c'est ça? Oui, dans ce cas-là, ta conclusion... Attends, je termine. Je te disais donc que quand on a des vêtements, les mêmes fringues depuis 2 ans, il vaut mieux faire du naturisme. Et puis, bah, je sais pas si un jour tu vas faire toi-même du naturisme sur la plage, garde une, je sais pas, une cagoule ou une écharpe qu'on voit pas ta gueule quand même. D'accord. Alors, Jean-Éric, ta conclusion, je t'emmerde. Au revoir. Hop. Tu peux lui dire au revoir et que ça conclue. C'est fait déjà. Lui, on va lui dire trop, au revoir. Ouais. J'aime pas trop ces réflexions comme ça. Paul Alain. Eh bien écoute, Gérard, personnellement, je trouve que tu nous as paru extrêmement savant dans l'étalage de tes connaissances sur le naturisme, même si c'était par le biais de Télé 7 jours. Et pour une fois, tu as démontré à la France, à l'IRC et au monde entier que tu n'avais pas seulement l'air con, mais que tu en avais aussi la chanson. Je te remercie. Ok, je te remercie à toi. Jean-Josiane. Oui. Donc pour toi, conclusion. Mais écoute, j'étais ravi de te parler, hein. Puis le naturisme, ça m'intéresse énormément, hein, parce que bon, moi-même, je lis énormément de livres sur ce sujet. Mm-hmm. Et justement, c'est dommage, parce que là, il est trop tard, parce qu'il faut qu'on aborde le deuxième débat. Oh. Mais justement, est-ce que toi, est-ce que tu l'as déjà pratiqué personnellement? Oui, ou pas? Bien sûr, oui. Oui, parce d'ailleurs, justement... on voit bien précis, hein, certes. Hein. Non, mais c'est déjà ça, c'est ça, là. C'est vrai, je voulais poser la question. Avez-vous déjà pratiqué le naturisme ou pas, c'est ça Oui. Mais par contre, j'aimerais le pratiquer avec toi. Non, personnellement... Oh, Gérard. Non. C'est pas ton clinique, Gérard. Non. Mais écoute, on ne dira pas à Sandy, c'est tout. Non, mais c'est bon. C'est bon, ben, je te remercie. Si tu veux participer au deuxième débat, il n'y a pas de problème. Oui, j'en serais ravi, Gérard. Tu me gardes... qui ? Gouinette, 35 ans. Gouinette. Oui, c'était un très bon débat, Gérard. Je l'ai écouté d'une oreille attentive. Mmh. Et je te conseillerais de pratiquer le naturisme, parce que là, dans les studios, ça doit vraiment plus le chien mouiller, quoi. Grave. Mmh. Si ça ne te plaît pas, ben, c'est le même prix, d'accord ? Ok, je te chie dans le bec, salut. Comment ? Je sais pas. Je crois qu'elle a dit je te chie dans le bec. Ouais, des petites connes comme ça, j'en veux pas. Donc, conclusion de l'IRC, vite fait, on a quand même dépassé les 10 000 pendant un quart de seconde. Ah. Mais on est redescendu à 8638. Oui. Ça passe. Ouais, pourquoi pas. Mmh. Et petite conclusion vite fait, il y a Xor qui dit que ta connerie légendaire n'a pas changé depuis l'année dernière, il n'a pas forcément tort. Et sinon, il y a un certain entartreur professionnel qui dit qu'il sait comment te reconnaître sur une plage de naturiste, c'est le seul qui a une bite dans le cou. Bon, alors je vais te dire une chose, Rigaud. Ouais. Dans ces cas-là, c'est plus la peine de faire des conclusions de l'IRC si c'est pour t'amuser à vouloir faire comme les auditeurs. C'est naze. D'accord. C'est naze, Rigaud, ce qui est arrivé. Moi, j'en ai deux, trois sur Minitel aussi. Minitel, oui. Il y a conclusion, tu l'as dans le fion. Il y a l'idossier, t'as Gérard, ce que le sucre est au café. Et il y a aussi, quoi ? Ferme ta gueule et nique ton oncle. Voilà. Eh ben, je vais te dire une chose, que celui-là, il va niquer sa gueule et il va niquer sa mère en même temps. Tarkan, t'as entendu. Voilà. Et donc, on va s'écouter Serge Laroulotte avec la banane flambée au soleil. Et juste après, le pénis salaire avec une petite envie dans les dunes. C'est gratuit. Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat qui va porter sur la chanson française.